esprit trop glacial. Fais confiance à celle qui m'a mis au monde de la racine, qui m'aide à survivre. Je recèle tout prix en point de devenir un monstre comme celle. Depuis mon enfant, je baffe nos étincelles, mec des mauvais feux d'artifice. Au milieu de ce fils, ces fils de contre-tirer la vie, c'est trop de sacrifices pour que l'âme plus aide. Aujourd'hui, j'excelle dans ce pis, pis sur ces pucelles. Pas de pisse quand mes yeux se plissent, rien à la SL. Je fais pas de sel, je crache sur les faux frères et les putains de racistes. Pour eux, je garde une putain de rancœur éternelle. Vis seul, souffre seul, meurs seul. Nos proches se recueillent, accrochés à nos linceuls. Et comme on singe, tout recueille lors de nos deuils. On laisse nos cœurs encore seuls dans un coin du cercueil. On vit seul, souffre seul, meurt seul. Nos proches se recueillent, accrochés à nos linceuls. Et comme on singe, tout recueille lors de nos deuils. On laisse nos cœurs encore seuls dans un coin du cercueil. J'ai l'impression, y'a personne pour m'appuyer. La pression veut me noyer, j'ai tutoyé le silence. Fini par broyer du noir, on est des milliards à se côtoyer. Bizarre, seul quand on perd l'espoir. Quand ça tombe pas rond dans nos têtes, qu'on a plus un rond, on s'endette. On va vers le fond, on songe et regrette. On plonge peu à peu vers la perte des êtres les plus chers de cette planète. Chacun est sien, nos souffrances sont les mêmes. Tout ce qu'on détient, la semence de nos graines. Seul pour la fin de nos vies, dans la peine. On termine dans les peines, tu te mines, c'est pas la peine de se faire du souci, vivre avec le stress. Les sentiments se déchirent, le passé ne veut pas qu'on progresse. Nos vies s'expirent et toujours on engraisse. La force de contrer la solitude qui oppresse. Je prends de l'altitude, oublie la lassitude. J'ai un as pour ma vie, mon attitude. Si tu titubes sur l'avenir, tu butes ton devenir. Prépare-toi pour le pire. On vit seul, souffre seul, meurs seul. Nos proches se recueillent, accrochés à nos linceuls. Et quand nos anges nous recueillent leurs noms d'œil, on laisse nos cœurs encore seuls dans un coin du cercueil. On vit seul, souffre seul, meurt seul. Nos proches se recueillent, accrochés à nos linceuls. Et quand nos anges nous recueillent leurs noms d'œil, on laisse nos cœurs encore seuls dans un coin du cercueil. On vit seul, souffre seul, meurt seul. Nos proches se recueillent, accrochés à nos linceuls. Et quand nos anges nous recueillent leurs noms d'œil, on laisse nos cœurs encore seuls dans un coin du cercueil. On vit seul, souffre seul, meurt seul. Nos proches se recueillent, accrochés à nos linceuls. Et quand nos anges nous recueillent leurs noms d'œil, on laisse nos cœurs encore seuls dans un coin du cercueil.